minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff, Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. Nord-Sud, Est-en-Ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, ça commence maintenant. Et oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 1er juin 2019. Bah oui, c'est fou comme le temps passe vite, on était ensemble, il me semble que c'était peut-être pas hier, mais avant-hier. Et donc nous voilà de retour comme chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 sur les ondes de RGL pour vous faire découvrir, comme vous en avez l'habitude maintenant, le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative, en tout cas 90 minutes de musique que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Et puis pas que de musique, puisqu'on parle aussi d'autres événements culturels de qualité. Et puis on fait aussi, depuis peu, depuis 2 mois maintenant, une petite parenthèse BD. Surprise pour tout à l'heure, ce sera pour un peu plus tard dans cette émission. Au niveau musical, pas mal de nouveautés comme chaque mois à vous proposer. On aura un powerplay qui nous emmènera du côté du Canada avec une artiste qui a une belle renommée là-bas. Je vous en dis pas plus, elle s'appelle... Surprise, j'ai failli lâcher le morceau. On ira en Suède pour écouter un nouvel extrait du nouvel album de All Mother. On écoutera Brett Colerick, on écoutera les Français de Folsom. D'autres nouveautés comme les Fratelli Stellari ou Golden Apes. Mais pour l'heure, eh bien, je vous propose de commencer tout de suite avec, on va dire, un instrumental électronique. Le groupe s'appelle Bassless et nous interprète le morceau Trotting. Alors si vous allez voir la playlist sur notre site internet, je vous donne l'adresse tout de suite, comme ça je n'oublie pas, www.ilovemusic.ga, vous verrez que Trotting c'est écrit avec 3 T, bah, c'est pas une faute, ils l'ont écrit comme ça aussi, donc ne vous en faites pas, ce n'est pas une faute d'orthographe. Bassless avec Trotting, et puis après cela on écoutera le groupe Brass Phantom et le morceau Indigo. Voilà, restez bien avec nous, nous sommes ensemble pour 1h30 et on va vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, un bon début de soirée. Thank you.

Ils sont français, ils s'appellent Folsom et ils nous emmenaient voir le Chinese Ghost, le fantôme chinois. J'espère que vous appréciez la programmation de ce début d'émission. Si c'est le cas, et même si c'est un peu moins le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous pouvez nous donner un petit coup de téléphone au 26 54 00 44, c'est un numéro luxembourgeois. Donc si vous nous appelez de l'étranger, vous faites précéder de cela du 00 352 26 54 00 44 ou alors encore plus simple, vous allez sur internet, vous allez sur Facebook et vous tapez Planet Indie, vous nous rejoignez notre petit groupe et puis vous pourrez faire part de votre commentaire et aussi interagir avec les autres membres du groupe. Il y a beaucoup d'artistes dans le groupe, beaucoup d'artistes qu'on entend dans cette émission, donc vous pourrez ainsi directement aller à la source et discuter avec eux si vous en avez envie. Et puis notre site internet, je vous rappelle aussi notre adresse sur le net, www.ilovemusic.ga. D'ici quelques minutes, eh bien, nous partirons à la découverte de notre album Powerplay. Je ne vous dis toujours pas de qui il s'agit. Je vous ai dit que c'était une artiste canadienne. Donc ça laisse encore de la marge, même si ça réduit déjà pas mal le champ des possibles. Avant cela, on va encore écouter Brad Colrick avec un morceau aquarelle. Ça s'appelle Watercolor. Paints watercolor landscapes. She mixes water, paint, and time. And she lets go of the heartaches and all that clutters up her mind. And from the pigments on her palette, she marries colors that she feels. Tries to see the world around her from what her brush reveals. She likes shadows on the water, colors drifting through the fodder, while she sketches birds of prey. Let her thoughts just fly away. She paints watercolor landscapes, 'cause it makes her feel alive. Oh, it makes her feel alive. She paints watercolor still life, precious moments pass her by. She can't stop the pain from coming, but she finds peace in her mind's eye. She likes shattered glass and flowers, and she lets go of the hours that might otherwise have found her. The dark cloud that surrounds her, she paints watercolor still life, 'cause it makes her feel alive. Oh, it makes her. In her mind, she retraces all her great hopes and wonders where she'll find that broken fence along the river, a bright moon but just a sliver, an empty ranch house cold and gray, Mustang galloping away. She paints watercolor landscapes, 'cause it makes her feel alive. Yeah, it makes her feel alive. Oh, it makes her feel Voilà, je vous rappelle son nom, il s'appelle Brett Coleric, parce que je ne suis pas sûr qu'on l'ait déjà écouté. On en est à l'épisode numéro 409, donc je n'ai pas mes 409 playlists, ou 408 plutôt, playlists précédentes en tête. Mais je ne pense pas qu'on ait déjà écouté cet artiste, en tout cas pas sur cet album, un album qui s'appelle 91030, Brett Coleric, et nous on écoutait Watercolor. 17h22, si vous le voulez bien, eh bien nous allons passer à la découverte de notre album Powerplay. Je vous ai dit qu'il s'agissait d'une artiste canadienne. C'est une artiste canadienne, une belle rouquine, on va dire, avec des yeux clairs, verts. Il y a beaucoup de verts sur la pochette de son album. Elle s'appelle Suzy Vinnick et l'album s'intitule Shake the Love Around. Alors, Suzy Vinnick, qui est-elle? Eh bien, elle est née à Saskatoon, c'est donc dans une province du Canada qui s'appelle le Saskatchewan, le 26 avril 1970. Et elle est notamment connue pour ses talents vocaux, mais aussi pour avoir travaillé comme musicien avec plusieurs autres groupes différents. Elle est née à Saskatoon, on a dit, elle a grandi là, et elle a commencé à jouer de la guitare déjà à un très jeune âge. Et puis à l'époque où elle a fréquenté le collège, en tout cas l'école secondaire, elle jouait déjà du saxophone ténor dans des groupes qui jouaient en concert, et elle jouait aussi de la basse dans des groupes de jazz. À l'époque, eh bien, où elle a atteint l'âge de 18 ans, Suzy Vinnick donc participait déjà à plusieurs sessions de blues dans des clubs à Saskatoon. En 1991, donc elle avait 21 ans, elle allait avoir 21 ans. Elle a déménagé à Ottawa pour jouer avec Tony D et son Cool Band. En fait, elle ne pensait rester que l'été 1991 à Ottawa et puis retourner à la maison après. Mais finalement, eh bien, elle est restée plus longtemps que cela à Ottawa. Elle est devenue rapidement eh bien, quelqu'un d'importance dans la scène blues de la ville canadienne. Elle a notamment joué de la basse et elle a chanté aussi sur l'album de Tony D, l'album sorti en 1992, un album qui s'appelait Dig Deep. Elle est donc restée 2 ans à jouer avec Tony D, et puis elle l'a, on va dire, musicalement quitté pour se concentrer sur ses propres compositions. Et elle a sorti son premier album Angel in the Sideline en 1994 pour dans cet album eh bien élargir un peu son style blues pour inclure plusieurs éléments de folk et de roots music. Elle a ensuite fait commencer une tournée dans les clubs d'Amérique du Nord et dans des festivals, notamment, alors on peut citer le Montréal International Jazz Festival, le Ottawa Folk Festival ou encore le Toronto Harbor Front Festival. Elle aime bien bouger, Suzy Vinnick, et elle a de nouveau déménagé en 1999, cette fois-ci vers la ville de Toronto, et elle a commencé à jouer avec plusieurs musiciens là-bas. Elle a fini par former un groupe vocal avec Elana Hart et Kim Shepard, et ce trio qu'on a fini par appeler VSH pour Vinnick Hart, Shepard Hart, pour la mettre dans l'ordre. Eh bien, ce trio a sorti un premier album, On the All World Over, en 2000. un album qui combinait la musique folk, la musique pop et rock music. Elle a aussi joué avec Betty and the Bobs, un groupe basé à Toronto qui joue dans une variété de styles différents qui inclut notamment le blues, le gospel, le jazz ou encore la country music. Et puis pour être encore tout à fait complet sur cette période, elle a aussi mis sur pied un autre groupe de roots music qui s'appelait les Marigolds avec notamment Caitlin Hanford et Gwen Swick. Voilà, on est assez complet aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a des jours où c'est difficile de trouver des informations sur les artistes, mais elle, Suzy Vinnick, c'est bien, j'ai trouvé pas mal de choses. Je vous propose d'arrêter là pour le petit blabla et d'écouter un premier extrait de son album Shake the Love Around. Le morceau s'appelle Lean Into the Light par Suzy Vinnick aujourd'hui dans Planète Indie. Lean into the light, help me find my way. Suzy Vinnick, c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Cet extrait de son album Shake the Love Around. Restez avec nous juste d'ici 18h30. Eh bien, nous aurons encore l'occasion d'écouter deux autres extraits et puis de continuer à découvrir sa vie passionnante. Pour l'heure, on écoute un nouvel extrait de l'album de David Hurl, un album que je vous ai déjà présenté le mois dernier, voire même peut-être le mois d'avant aussi. Un album qui s'intitule Garden of Hidden Dale, et en vous disant que c'est un potentiel powerplay, donc attendez-vous à en savoir un peu plus sur lui dans les mois qui viennent. Et puis après cela, ce sera Erin avec Hallelujah, You're Gone. Bah, restez avec nous, vous. Like the

Ah, c'est une voix comme on les aime, on les adore, ce genre de voix. Elle s'appelle Erin, elle nous interprétait Hallelujah, You're Gone, cet extrait d'un... Est-ce que c'est un album, est-ce que c'est un EP? Il y a 6 morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 6 morceaux, c'est un peu beaucoup pour faire un EP, c'est un peu peu pour faire un album. En tout cas, ça s'appelle Lady A. Et son site internet, je vous donne l'adresse parce que ça vaut le coup d'aller voir. www.erinofficial.com E-R-Y-N-official.com, tout ça. En un mot, allez, on est presque déjà à la moitié de l'émission, j'ai l'impression qu'on vient seulement de commencer. On est donc pas en avance sur la programmation et on a encore des dossiers à vous présenter. Alors on va passer tout de suite à la programmation de nos amis de la Rocale, si vous le voulez bien. Alors le 3 juin, vous pourrez voir Animal as Leaders au club. Le 6 juin, il y avait le 6 et 7, il y avait le concert Star Wars A New Hope qui était prévu. Sachez que ça a été annulé. Vous pouvez donc vous faire rembourser les billets. Le 7 à Mellilands, le 8 c'est le Open Microphone au Grand Club, ça se passe au Rocal Café, l'entrée est gratuite. Le 9, ça c'était le 8, hein. Le 9, Phoenix Tour de Soprano, c'est déjà complet. Le 10, Welshy Arms, le 11, The Antwoord, le 12, Ben Harper et les Innocent Criminals. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Brigitte qui vient le 13 juin, Robin Ford le 14, le Concert for Kids avec George Goren, ce sera le 15, le 16, le Rock University, c'est le concert de fin d'année. Dream Theater, on vous conseille le 17 juin, il y aura aussi, ça ce sera à la boxe, et puis au club, vous pourrez voir Rai. Le 19, il y a le Deepwater by Mudez and Pete Dam, entrée gratuite. Je vous en parlerai un peu plus longuement tout à l'heure si on a le temps. Et puis le 20 juin, un autre concert qu'on vous conseille absolument, c'est Mark Knopfler. C'est le Down to the Road Wherever Tour. Et si vous n'avez pas de billet, eh bien c'est complet. 21 juin, la dispute, ça se passe au Ronton d'Abonnevoie. Le 21 juin, au box 3 Days Grace. 24 juin, James Bay, 25 Slash, avec Miles Kennedy et The Conspirators. Le 27, Siml. Le 28, Beyrouth. Le 30, Trivium. Et le 1er juillet, le retour à la Rocale de Skunk Anansie. Voilà. On ira voir aussi la programmation de la Culture Fabrique un peu plus tard, un nouveau partenaire de Planète Indie. Ça, c'est pour dans quelques minutes pour l'heure. Et bien, nous allons du côté de la Suède avec un extrait du nouvel album de All Mother, Don't Trouble Trouble Until Trouble Troubles You. Ça, c'est le titre de l'album et on écoute le morceau. Feel It. We'll be right back. to heaven's hand, and still it weighs you like a veil. This one horse town, it's printed in the sand. You fight the urge to win your play, it's hold on you as you run away from this one horse town. C'est une nouveauté, une vraie nouveauté, on ne l'a encore jamais entendu, ça je peux vous le garantir. C'est un duo familial, on va dire, puisque c'est un duo composé de Kim Collins et Scott Collins. Le duo s'appelle The Smoking Flowers et nous interprétait le morceau One Horse Town. Nul doute non plus qu'on en entendra à nouveau parler dans cette émission. Pour l'heure, eh bien, il est temps pour nous de retourner sur notre album Powerplay du jour, l'album de Suzy Vinnick, Shake the Love Around. On va continuer à parcourir sa biographie. On s'était quitté eh bien, à l'époque où elle s'était relocalisée du côté de Toronto au début des années 2000. Eh bien, le début de des années 2000 ont vu Suzy Vinnick gagner en popularité. Ses chansons ont notamment été utilisées dans des séries de télévision canadiennes, notamment la série Traders, ou encore dans un autre film sorti chez HBO, No Alibi. Elle a aussi gagné des prix dans pas mal de concours de chant et de composition. Elle a par exemple coécrit la chanson All That I Ask For, pour laquelle eh bien, elle a gagné le grand prix dans la composition organisée par le Northern California Songwriter Association. Et puis deux de ses autres chansons, The Honey That I Want et Sometimes I Think I Can Fly, ont gagné la catégorie blues en 2005 et 2010 pour la compétition internationale de composition, International Songwriting Competition. Et puis ces chansons ont été utilisées dans des publicités pour des marques qu'on ne citera pas ici. En 2002, elle a sorti son second album solo qui s'appelait 33 Stars, qui lui a permis de gagner son premier Maple Blues Award pour le Female Vocalist of the Year, donc la chanteuse féminine de l'année, une catégorie dans laquelle elle avait déjà été nominée deux fois à la fin des années 90. Elle a poursuivi le développement de sa discographie, puisque les Marigolds, dont on a parlé tout à l'heure, ont sorti leur premier album intitulé aussi The Marigolds fin 2005. Et puis Betty and the Bobs ont suivi aussi avec un premier album l'année suivante. Elle a aussi collaboré avec Rick Fiennes pendant toute cette époque à Ottawa. Et alors elle a sorti un album avec lui en 2006, Nothing Halfway. Cet album a gagné le Songwriter of the Year, donc le compositeur de l'année au Maple Blues Awards en 2006. Et Suzy Vinnick a gagné son second Female Vocalist of the Year et son premier Bassist of the Year aussi cette année-là. Sa présence sur la scène musicale de Toronto, eh bien, a grandi. Elle a été notamment nommée comme directeur de la 22e Women's Blues Review Band en 2008, un événement auquel elle avait déjà participé depuis le milieu des années 90. Elle a sorti en 2008 un troisième album solo, Happy Here. Et puis en 2011, on accélère un petit peu, hein, parce que la liste de ses prix et de ses sorties, c'est presque interminable. En 2011, elle a sorti son premier album solo purement acoustique, qui s'appelle Me and Mabel. Elle a gagné le Canadian Folk Music Award for Contemporary Singer of the Year et deux Maple Blues Awards supplémentaires, à savoir Female Vocalist of the Year and Songwriter of the Year au Maple Blues Awards cette année-là aussi. Et puis son premier album live en public a été enregistré en 2012, ça s'appelait Live in Bluesville, par la radio Sirius XM, c'est la radio de B.B. King's à Bluesville justement. Et puis cet album live lui a permis de gagner son Maple Blues Acoustic Act of the Year, donc l'album en concert, l'album en public de l'année en 2013. Ça nous amènera donc un peu plus tard à son album qui vient de sortir. Pour l'heure, je vous propose donc d'écouter un second extrait, ça s'appelle Drift Away. Elle c'est Suzy Vinnick et c'est notre power play aujourd'hui dans Planète Indie. Power play. Power play. Drift away from your worries. Drift away from all your cares. Storm is raging, it'll be over soon. Let it go away. Drift away, carry on through the hard times, carry on through the strife. Darkness is fading, it'll be morning soon. Let it go and carry on. When you don't

C'est une autre nouveauté dont on entendra encore parler. Il s'appelle les Golden Apes. Ils nous interprétaient le morceau Vojkova et c'est sous-titré The Healing. On n'est pas en avance aujourd'hui, donc on raccourcit un petit peu, désolé. Et on va passer en revue la programmation de notre nouveau partenaire, la Culture Fabrique. Alors ce soir à 20h, ce sera de la musique avec l'or du commun. Dimanche 2, demain, dessine-moi une bibliothèque, c'est à 17h, c'est en pleine concurrence avec notre rediffusion, puisque nous serons rediffusés aussi demain dimanche entre 17h et 18h30. Mercredi 5, comme tous les 15 jours, le Café des Langues, ça se passe à 19h. Mercredi 5 aussi, en concert, Joan as a Police Woman. Cinéma aussi le mercredi 5 avec Sound Hunters. Samedi 8, à partir de 12h, le Africa Fest, Esch. J'ai oublié de vous parler du concert gratuit de Charlotte Bridge. Ça se passera vendredi 7 juin à 21h et c'est un concert gratuit. Mercredi 12, soirée court-métrage cinéma luxembourgeois. Samedi 15, un autre concert gratuit 5 à 6. Mercredi 19, Wake in Fright au cinéma. Vendredi 21, une pièce de théâtre Panic under Weisserwelt. Le 26, ce sera Lost Highway au cinéma. Et puis le festival électronique Fabrique électronique, ça se passera le vendredi 28 juin à partir de 21h. Voilà pour le programme de la Culture Fabrique que vous retrouvez sur leur site internet www.culturefabrique.lu. On poursuit avec nos amis hongrois de Enklavi Beslavia. C'est un peu plus particulier, vous allez voir, mais vous les avez déjà entendus. Et le morceau s'appelle Gate. Thank you. Voilà, je vous rappelle leur nom, Enklavi Beslavia et Beslazia, pardon, ils nous interprétaient le morceau Gate. Comme vous le savez, depuis quelques mois aussi, on fait une petite capsule BD. On va faire une petite incursion dans le monde de la bande dessinée. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'album Le Dernier Atlas, le tome 1. Il y en aura 3. Alors, c'est l'histoire. On pourrait commencer comme ça en disant quel est le point commun entre un gigantesque rassemblement d'oiseaux dans le désert algérien et un vieux robot géant pourrissant dans une décharge en Inde attendant d'être démantelé. Il y en a peut-être plus qu'on ne le croit. Une catastrophe écologique à venir, un truand nantais spécialisé dans les faux jeux d'arcade mais vraie machine à sous, un tremblement de terre ou encore une journaliste cinquantenaire et ménopausée qui tombe enceinte, peut-être bien tout ceci à la fois. C'est tous ces ingrédients que l'on trouve dans ce premier tome où le protagoniste principal, Ismaël Taïeb, homme de main de la pègre, se voit confier la mission de dénicher des matières nucléaires enrichies. Il va donc mettre sur pied une équipe pour voler le George Sand, le dernier des Atlas, ces robots géants à énergie nucléaire qui avaient été conçus et construits sous De Gaulle, mais ont été mis hors course suite à un accident à Batna en Algérie. En Algérie précisément, où pendant ce temps, Françoise Alfort, journaliste, enquête pour son prochain livre sur les conséquences écologiques des essais nucléaires français et découvre des insectes mutants portant d'étranges motifs géométriques sur leurs ailes, tandis que des milliers d'oiseaux se rassemblent quelque part dans le désert. Eh bien, ce récit s'étend sur plus de 600 pages, dont 200 pour ce premier tome. Pas étonnant non plus que l'Algérie y occupe une place centrale vu le CV de trois des quatre auteurs. En effet, le grand-père de l'un a été aide-de-camp de De Gaulle pendant 20 ans, tandis que les pères des deux autres ont participé à la guerre, l'un comme aviateur et l'autre comme soldat. Le Dernier Atlas, c'est avant tout un récit réaliste de science-fiction, un récit qui mélange les temps et les lieux et permet finalement de parler d'aujourd'hui en mettant en scène l'histoire dans un monde qui ressemble au nôtre. Les thèmes que l'on sent affleurer sont évidemment contemporains, écologie, migration, mondialisation, etc. La galerie des personnages est dense et les événements faisant référence à des phases différentes, quelques annotations temporelles n'auraient pas été de trop. Cela redonne en tout cas, si pas le besoin, au moins l'envie de se replonger une fois de plus dans ce premier épisode. La dernière scène de ce premier volume se déroule à la maternité où la journaliste Françoise Alfort s'endort après avoir mis au monde son enfant. Les infirmières se chargent de ce dernier et, aux surprises, que découvre-t-on sur la toute dernière vignette ? Que cet enfant n'est pas tout à fait comme les autres. Je ne vous en dis pas plus, histoire de ne pas gâcher votre lecture, mais j'attends désormais avec impatience la parution du deuxième tome de la série, non seulement pour la suite des aventures du Dernier Atlas, mais déjà aussi simplement pour voir quelle sera la réaction de la jeune maman quand elle va prendre son enfant pour la première fois dans ses bras. Mais oui, gros suspense à ce niveau-là. C'était donc le premier tome du Dernier Atlas. C'est sorti en mars 2019 chez Dupuis et c'est écrit et dessiné par un quatuor Velman de Bonneval, Tancrel et Blanchard. Voilà, voilà. Retour à la musique avec I'm Kingfisher, Superman in Awake. Et puis ensuite, on écoutera Be Our Lively de Day That I Die. Et puis on ira, il sera grand temps de retourner sur l'album de Suzy Vinnick. Shake the Love Around, notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Bah oui, le temps passe. Petals sprout through the tides. They know it's still growing. Hair in my heart with you stuck in. My lungs have same kind of surface as the subway line or an amusement park that hasn't been in use for the last 40 years. Concrete, I am jumped 100 times. For a moment, sheer daylight fright won me over in all implicit beauty. It is often implied. I'm far from being kind enough to you. Lord knows I've been a long, long way from here. That I've been stuck up in blue. Whenever went wrong, now this face. Final seals young, she says. You know the drill, another life in mine. She's making superhero poses when she sleeps. Am I not stupid? But my mind had some bad luck lately. Each time I reach for the bathroom mirror, only to see the giant locust barely not there again. Hold on, hold on. Your guess is as good as mine. Off with the baby's face. Death a joke and then you die. We must talk about the small compartments I lock myself into. Carry my stealing as felt and rooms above rooms. While I evoke my dilapidation, this time of day, he can run, but he can never hide away. When his master calls to him and comes to reclaim what is his, he must stand there and give it all away. But I know there's a part of me that will forever stay with you beyond the rest of our days. Though I may drop dead, and surely I'll drop dead, and one of these days I'll die. That I could love another, even close to half of how much I love you. And every time that we see each other, I wouldn't spend one minute away from you. There is a part of me that will forever say that I will still be loving you. On va devoir raccourcir un petit peu ce morceau de Day That I Die de Be R. Lively parce qu'on arrive tout doucement au bout de la programmation, enfin du temps qui nous est alloué ce soir. C'était l'épisode 409 de Planet Indie. Nous serons rediffusés demain entre 17h et 18h30 toujours sur cette même fréquence. Vous retrouverez aussi le podcast sur notre site internet dès ce soir ou dès demain, c'est selon les possibilités techniques. Je vous rappelle l'adresse de notre site internet www.ilovemusic.ga et puis vous pouvez .ga. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet à nous. Oui, c'est bien ce que je voulais dire. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook. Vous tapez Planet Indie dans Facebook et vous allez nous retrouver, il n'y a pas de souci. On doit encore écouter un dernier extrait de l'album de Suzy Vinnick, Shake the Love Around, ce qui nous amène fin 2018, au moment où cet album est sorti en Europe. C'est son sixième album sorti en Europe, et à la différence eh bien, de ces deux précédents dont on a parlé tout à l'heure, qui étaient des albums acoustiques mais des albums solo, Shake the Love Around, c'est un album de groupe, puisque Suzy Vinnick, elle a composé les chansons, elle chante, elle joue aussi de la basse, de la guitare hawaïenne ou encore des guitares électriques et acoustiques. À côté d'elle, eh bien, il y a le claviériste Mark Lalama, notamment qui a joué avec les Sisters Euclid, ou le batteur Gary Craig. Il y a aussi quelques autres invités comme Colin Linden et Kevin Bright qui jouent de la guitare sur deux chansons, ou encore Dean McTaggart et David Lisk qui aussi ont participé à un peu de la composition et chantent un peu sur certaines chansons. Le titre de l'album a été inspiré par des amis de Suzy dans la ville de Forget, un ami notamment des amis qui, avant de commencer à manger, il vient réciter les grâces et puis il levait les mains en l'air et il disait qu'il remuait l'amour comme ça autour d'eux. Et c'est ça qui lui a inventé ce titre de l'album. À noter aussi qu'il y a notamment deux reprises sur cet album, 110 in the Shade, une chanson de John Fogerty. Et il y a aussi une reprise de la chanson de Persis Mayfield, Danger Zone. Voilà, et bien je vous propose d'écouter un tout dernier extrait pour aujourd'hui. Ça s'appelle Watch Me, c'est donc extrait de cet album, très très bon album qu'on vous conseille bien entendu, de Suzy Vinnick, Shake the Love Around. Pour ma part, et bien je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, d'après-midi, un bon début de soirée, un bon week-end. On se retrouve pour la prochaine émission et bien le 6 juillet sur cette même fréquence. Et puis n'oubliez pas, cette émission sera rediffusée demain entre 17h et 18h30 et puis aussi le podcast sur notre site internet disponible très très rapidement. Voilà, bonne soirée, bon week-end et à très bientôt. How I play. How I play.